Bruxelles en direct, 17h32 minutes. Ça nous a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Hein. Bah oui, de l'accueillir, Madame la Mère, Carole Canette sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis un titre que j'affectionne depuis longtemps, et je sais que Benoît adore ce morceau. Voici Nick Amen avec le meilleur des souvenirs. C'est I Promise Myself, et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Promised the world to you. I gave you flowers. You made my dreams come true. How many others have driven me to run and look for shelter? I promised myself. But I'd say a prayer for you. Brand new tomorrow, for all you wish comes true. I promised myself that I'd make it up to you. My sister and brother, know I'm in love with you. How many c'est sur le 96.2 FM.

Minutes sur un avancé avec le meilleur de la musique, Kirk Robin, When Your Heart Is Weak. La météo. Et la météo pour demain, bien bonne nouvelle, du soleil sur toute la région avec quelques petits nuages, mais très timides. Les températures, les deux jours, 13 degrés et on ne dépassera pas les 28 degrés. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça va durer quasiment toute la semaine. Voilà, que des bonnes nouvelles et puis du son aussi. Caliente, avec un chat dans la gorge, tranquille. Elle Latina. Todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Papá, papi, loca, papá, papi, loca. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo caer. Discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo caer, ya no puedo caer. Baby, no, baby, no. Me rehuso a dar tu último beso, así que guárdalo, guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Por favor, entiéndela. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo. Como te gustan, baby. comment tu gustes, hein. Bah ouais, c'est pas fini. Ouais, on aime bien ça sur la foncée de la radio couleur avec Danny Ocean en direct à la radio. Et puis plein de souvenirs. Ouais, des titres qui ont marqué les clubs. En espérant que les clubs ouvrent très très vite. Rappelez-vous, Camaro avec Femme Like You, c'est sur Radio Foncée. À la soirée du bar quand on est sorti. Et c'est cette même complicité qui s'installe au fond de ton rire. Sur la scène et qu'on brise sous la même étoile. Quand ta voix croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines, comme on voit elle coule dans les veines. Femme t'es belle et quand tu chantes t'es sexy. Flash sur elle, vas-y. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux flamme, ton rock, baby, ta soul, baby. Avec Francky, aujourd'hui, de 17h à 19h, sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Comme dans une série B, on est tous les deux. j'adore. J'adore ce mec, Rodrigo Hayes, qu'on aura au téléphone la semaine prochaine. Eh ouais, ça va vous faire plaisir. Et il va nous dire qu'il nous aime. Et il attend au téléphone aussi, il est là, hein. Monsieur Faria qui arrive. Il attend. Mais juste avant, je veux qu'il nous le dise, Rodrigo, qu'il nous aime. Allez, dis-le, Rodrigo. Allez, dis-le. Dis-le que tu l'aimes. Allez. Moi aussi, je t'aime. Allez, I love you. Et on y va. L'After Job, ah ouais, avec Francky, le mardi, de 17h ouais à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et puis il est là au téléphone avec nous, c'est Monsieur Ferrien normalement. Bonjour Monsieur Ferrien. Bonjour Francky. Comment que c'est ça que c'est bon? Ça va que c'est ça que c'est bon? C'est ça que c'est bon. Ah, c'est ça que c'est bon, monsieur, mon ami. Hein. Alors, et toi, c'est rigolo parce que Antenne, tu me disais, mais les discothèques, elles ouvrent quand? Bah, je sais pas. Hein, j'ai pas de réponse à te donner pour l'instant. Alors, il y a une. Ah, ça manque. Ouais. Alors, il y a une information qui circule en disant, ouais, les discothèques jusqu'en 2021 avril vont pas ouvrir. C'est faux. Hein, c'est pas les discothèques qui vont ouvrir en 2021. Pour l'instant, il y a rien de prévu encore. Ça peut ouvrir très bien au mois de novembre, au mois de septembre, au mois d'octobre, en janvier, en février. On sait pas. 2021, ça a rien à voir avec les discothèques. Il hein, faut se remettre les choses à leur place, monsieur Faria. C'est ce que je voulais dire. Voilà, comment il va bien alors? La piscine, ça marche? Ça va. Ouais, elle est bonne, l'eau, en ce moment, la température? Non, elle est un petit peu froide. Un petit peu froide, d'accord. Bon, c'est quoi le programme pour ce week-end? T'as prévu quelque chose de beau ou pas? Bah oui, on va à Paris. Ah, Paris, ouais, c'est beau. Visiter la Tour Eiffel. Non, c'est bon, là. Faut vendre la ferraille, c'est tout ce que j'ai à tous les jours. Ah ouais, tu vends de la ferraille. Bah oui, il faut vendre. Hein. Ah, c'est bah ça. Oui. Eh, c'est ça que c'est bon, mon ami. Ah oui, hein. Eh tiens, je te fais un défi, la semaine prochaine, tu passes à la radio me voir, hein? J'ai le temps, y'a pas de soucis. Eh ben voilà, je t'attends et je te paierai le café ou la Superboc, hein? Ah non, on prend un petit bouteille de vodka, ça sera mieux. Ouais, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mon ami, rappelle, hein? Oui, mais t'inquiète pas, on va pas conduire. Ah oui, un petit peu, hein. Bah bien sûr, c'est interdit de conduire avec de l'alcool, ça c'est strictement interdit, ah, même. Oui. Ah ouais, mon ami. Voilà. Bah bonne soirée, monsieur Faria, alors, hein? Bah toi, ma poule, hein? Bah merci, ma poule. Bah merci, ma poule, cote-cote. Salut. Bonne soirée à toi. Salut mon ami. Eh, si tout le monde avait la pêche comme lui, on serait bien, hein, monsieur Feria, qu'on adore à la radio. Voici Sun Megamix sur l'Arc-en-Ciel avec Mams, mon poteau. Zumba, ça c'est quand ça marche bien, les Zumba, ouais, il y a une époque, à un moment, on dansait tous la Zumba avec DJ Mam sur la console et puis les bons souvenirs. Eh, forcément, ça, ça va vous rappeler des bons moments, écoutez, au bizarre. Vous vous rappelez de ça, OMC, eh bien, ça a cartonné dans les années 90 et on adore sur la console, au bizarre. Singers on the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. They're stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, far and wide. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre. J'adore la trompette là. 96, vous aviez quel âge en 96? Allez, appelez-moi 02 38 43 48 00 si vous avez des souvenirs 96 à nous rappeler. Et bien pourquoi pas, en direct sur un arc-en-ciel avec Elisio qui arrive et Mélodia. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Voilà, c'est le numéro du standard. Et puis la standardiste, bah aujourd'hui c'est moi. Alors vous n'avez pas de bol. Du son latine avec un peu de kizomba, de douceur, de zouk. C'est un mélange de tout ça. Voici Elisio avec Mélodie sur Radio Arc-en-Ciel. Abitaru, nem se está casado, eu escolhi dita, fico midi, noite. todo noto, todo día, pa' mí su alegría. Todo noto, todo día, pa' eso nostalgia. Y un día, quien cacumi naña fomi. Et d'amour et d'occasion, quasi just a homie. Merci, merci, merci, merci. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Muchas gracias, ti amo, mamá. Obrigado, Alessio, Mélodie. On adore sur la radio. Quel souvenir. Et puis nous, vous savez qu'on est les dieux des souvenirs avec Mel Groove qui arrive. Et puis Zané, Glove Thing. Et puis ce soir, ne ratez pas le match. Bah ouais, grand match. Hein, l'équipe de France contre la Croatie. C'est au Stade de France à 20h45. Alors si vous avez des pronostics, et bien appelez-moi 02 38 43 48 00. C'est parti. Et on y va avec du son à l'ancienne avec Zané. Tranquila que la noche está empezando entre tú y yo. con los rompes discoteca, que es verdad y no estamos pa' peca. Pues si se bajó de la bicicleta y le picheo, pues te bajo el brazo pa' ver si bate roleta. Si sigan manoteando no respeta, que si está aborrecido, que si compre una escopeta y que se huele la chaveta. Compliqué les chansons aujourd'hui, hein. Entre tout et yo, le meilleur des souvenirs, c'est Don Omar. Et ouais, ça fait du bien. Et puis dans les années 80 aussi, ce qui faisait du bien, c'est d'écouter, et puis toujours encore d'ailleurs, des vrais sons, des vraies musiques. À l'époque, 84, Tarzan Boy avec le roi Baltimore, hein, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Avec le meilleur des souvenirs, 1985, Baltimore, hein, le Tarzan Boy, hein, l'homme Tarzan, voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Le clip est plutôt rigolo, hein, ouais, un peu kitsch quand même, mais on se marre bien quand même. Heureux d'être avec vous, 18h15, la météo qui arrive. Pour demain, eh bien, du soleil, encore du soleil, je vous en parle justement direct. La météo. Et ça fait du bien, demain il va faire beau, 13 degrés au lever du jour et on va dépasser les 23-24 degrés, le soleil sera présent avec quelques nuages. En fait on va prendre une copie-collée d'aujourd'hui et on remet les mêmes, on recommence, voilà. Donc des bonnes nouvelles et le soleil va durer encore normalement jusqu'à dimanche, si je suis bien Météo France. Ça va être des très bons week-ends, on va pouvoir encore profiter, faire pourquoi pas un barbecue, ouais, un bon barbecue à l'ancienne. Allez, disons qu'il arrive. Job avec Francky, aujourd'hui de 17h. À 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et là, tu peux pas me dire j'ai pas vu le film Intouchable. La bande originale Earth, Wind & Fire avec Boogie Wonderland. Into heart, the men who need more than they can. j'adore le final. Là, on écarte les bras et on chante, on danse. Pas si vous êtes en voiture, bien sûr. Hein. Avec des bons sons. Boogie, boogie, Wonderland. Et puis, Radio Arc-en-Ciel, hein, qui soutient les discothèques qui sont fermées. On est de tout cœur avec eux. On les soutient à mort et à fond, bien sûr. En espérant qu'ils réouvrent très, très vite. Avec les bonnes conditions, bien sûr. Justement, en parlant de discothèque, forcément, on a tous fait la fête là-dessus. Bob Sinclair. Eh ouais, le meilleur du son avec Wonderland. On est heureux d'être avec vous. Et puis une info qui vient de tomber là. Premier cas de Covid-19 avéré au lycée Voltaire d'Orléans. 20 étudiants et 5 professeurs placés en 14e. Voilà, une petite info qui est pas sympa. Mais bon, il faut relater aussi ce qui se passe, la réalité. On est heureux avec vous, avec Simon M. No one is around you. Say, baby, I love you. With you and running game. Say my name. You act kind of shady and calling me baby while the sun is shining. Say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. With you and running game. Say my name. Baby, baby, baby, baby, baby.

got my right. I'm in love with your body. Chep Herb Checky, on est avec vous, c'est Francky dans la radio jusqu'à 19h. Hein, avant, ouais, la semaine prochaine, plein d'invités. Mais alors, quand je vous dis plein, vous allez voir les têtes d'affiche. Hein, et ça fait parler local, hein, je peux vous le dire. Radio Arc-en-Ciel 96 FM, on est en direct. Et ça me fait vraiment un réel plaisir d'être avec vous. Du son caliente, puis le meilleur des souvenirs avec Faudel. Qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici, que je traverse le désert, pour aller voir d'où vient ma vie, dans quelle rue jouait mon père. Moi qui suis né près de Paris, sous tout ce vent, toute cette pluie, je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Et si demain comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre, chanter au monde mes envies, voyager des années entières. Moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est pour ces poèmes que j'ai appris. Tu es bien le seul que j'oublie, telle l'étoile fidèle à la nuit. Je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. Le temps vas-y, chante, Faudel. Faudel. Ah, là, c'est du désert en ce moment pour Faudel, hein. Mais j'aimais bien ça, hein. Ouais. Bon. Nanana. On a fait la fête là-dessus, hein. Heureux d'être avec vous jusqu'à 19h. On est en direct. 96.2 FM du soleil pour vous. Bah oui, ça fait du bien demain, hein. Jusqu'à 23 degrés. C'est mardi. Et le mardi, bah tout est permis. Eh ouais. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il nous faut tous les jours. Et puis la semaine prochaine, plein d'invités. Alors attention, hein. Du level, comme on dit, lundi. Ouais, ouais, lundi, il y aura, je suis en train de regarder l'agenda en même temps. Le lundi 14, Sandra, qui sera notre invitée, la présidente des buralistes de la région. Et ouais, elle va nous parler un petit peu de son job. Ça va me faire plaisir de connaître un petit peu ce qui se passe derrière les buralistes. Voilà, on en saura plus lundi à partir de 17h. Elle sera notre invitée. Et puis le lendemain, bah, alors, deux invités de marque, Martial. Alors Martial, vous ne le connaissez pas comme Hamza, Marcel Desbordes. Il est recruteur au football FC Nantes. Et ouais, il est d'Orléans. Et ben, il vient nous parler justement comment se passe le recrutement pour le FC Nantes. C'est lui qui est en charge de recruter les nouvelles stars du football pour le FC Nantes. Et bien, il va nous expliquer tout ça. Et puis, je suis content de le recevoir parce qu'on a joué au football quand j'étais gamin. Ouais, quand j'étais jeune, je jouais au football. Pas mal. Voilà, Marcel, ça me fait plaisir de le retrouver le mardi à 17h. Et puis, juste après, on aura Sonia, qui est la vice-présidente du Génie. Le Génie, c'est un des syndicats qui aide les restos, les discothèques, les bars, les restaurants, etc., qui ont pas mal de boulot en ce moment avec tous les problèmes de Covid. Et je peux vous dire, ils en ont. Elle nous racontera un petit peu cette aventure pour elle qui commence. Voilà, ça va faire plein d'invités, des beaux invités. On en saura plus la semaine prochaine. Allez, du soca avec Rodrigo Hayes, qu'on aura au téléphone la semaine prochaine avec un bon souvenir. Vous savez, ce café, je te le dis quand même, la prise de voile, et ben ça, c'est un petit tube. Dis-moi si t'es basse, Rodrigo Hayes sur Radio Arc-en-Ciel en direct. Dis-moi si t'es basse. ¿Qué pasó? Soy culpable de no haber sido más fuerte para los dos. Lo siento. Lo siento. Lejos de tu mirada y de tu corazón. Corazón. Me siento perdido frente a esta situación. Los recuerdos me tormentan. Y si tienes otro amor, amor, me muero de dolor. Quisiera volver atrás y empezar de nuevo. On aura au téléphone la semaine prochaine, ça c'est pour Gaël qu'on adore. Ah, on l'adore. 18h38 minutes et puis la Radio Conseil qui soutient à fond les discothèques. Et justement, parlant de discothèques, il y aura un rassemblement. Ça va se passer le 30 septembre. Notez bien cette date à 11h devant la préfecture. Si vous êtes de passage, eh bien allez-y, rejoignez les discothèques, venez les aider et les soutenir. Ils en ont vraiment, vraiment besoin. 30 septembre devant la préfecture. Voilà, c'est une date à noter dans votre agenda. Pourquoi pas aider la discothèque. Voilà, ça leur fera du plaisir et ça leur fera du bien. Hey, Just a Man qui arrive. Et ça, on a dansé en club là-dessus avec I'm Sorry.